À la 21e journée du championnat, Flambeau de l'Est de Rouyigui est en dernière et 16e position. La semaine dernière, le championnat de volleyball à mairie de Bujumbura était à sa 3e journée de la phase retour. L'actualité sportive de ce lundi nous a été préparée par Évariste Nzikobanyanga. Le championnat de volleyball en mairie de Bujumbura était en sa 3e journée en fin du week-end dernier. Samedi, sur le terrain du département des sports, l'équipe féminine de Muzinga a battu les As sur le score de 3-7-2. Côté homme, Rukinzo s'est imposé 3-7-0 contre Bujumbura Uwezo-Andani. Dimanche, sur le même terrain du département des sports, Miyagi a battu Muzinga Junior sur le score de 3-7-0, tandis qu'en revanche, Muzinga Senior a battu Amical des Sportifs de Bujumbura 3-7-2. Ce dimanche même, Gendalight Club, côté féminin, a battu Spirou 3-7-0. Jean-Marie Gahungu, président de l'association de volleyball de Bujumbura, souligne les difficultés qui hantent la phase retour. Avec la phase retour, je dois souligner que d'après le règlement de l'intérieur que nous avons, il est stipulé qu'une équipe qui veut s'affilier pendant entre les deux phases, il est acceptable et la bienvenue. Et avec cette phase de retour, alors on a eu deux nouvelles équipes de la division B. Il s'agit de l'équipe de Buterere qui s'appelle Lion Team et l'équipe qui s'appelle Miyagi Volleyball Academy. Je dois dire qu'on a connu des contretemps liés au championnat interscolaire. Et ça nous perturbe de temps en temps les calendriers s'entrent dedans et on est obligé de céder au programme des écoles primes sur les équipes. Et c'est la seule chose qui nous a perturbé un peu. Nous comptons redémarrer positivement et sans arrêt. Aussitôt que la finale aura lieu, je pense qu'elle aura lieu le week-end prochain. Football en première division, le championnat était en sa 20e journée. Samedi, au stade des Princes de Guagasore, la formation militaire de Muzinga a fait match nul 0-0 contre Interstar. Songati a battu sur sa pelouse de Gitega, Flambeau de l'Est de Rouyigui, 3-1. Au stade Vidzigiro de Rumonge, Vitalo a battu les Lières, 4-1. En Ngozi, Ngozi City a fait match nul, 0-0 contre Aigle Noir de Makamba. Et l'Ideal dit que Burundi Sport for Africa a battu Atletico Olympique, 1-0. Ce dimanche, au stade des Princes de Guagasore, Messager Bujumbura s'est imposé 1-0 contre Magara Star de Rumonge. À Chibitoke, Rusizi FC a été battu à domicile 3-1 par Messager Ngozi. Le classement provisoire met en première position Atletico Olympique avec 46 points et 28 buts. En deuxième position vient l'Ideal Zidike Burundi Sport for Africa qui a 45 points et 15 buts en poche. Vitaro vient en troisième position avec 43 points et 28 buts en poche. Aigle Noir vient en quatrième position avec 37 points et 14 buts. Messager Ngozi est provisoirement classé 5e avec 36 points et 10 buts en poche, tandis que Flambeau de l'Est est 16e et est en dernière position avec 12 points et une dette de 15 buts. À la source, reportage. Je vous l'avais dit, nous allons au centre du pays, précisément à Gitega, dans cette province. Pas mal de filles sont victimes de violences basées sur le genre, surtout des violences sexuelles. C'est une affirmation de l'association Sogepaye Solidarité de la Jeunesse pour la Paix et l'Enfance, antenne de Gitega, qui précise que de tels cas sont beaucoup plus observés au chef-lieu de la province. La plupart de ces victimes sont des enfants scolarisés, et c'est le cas notamment à l'école La Bergeronnette, où un enseignant aurait abusé dernièrement de plus de 10 fillettes, même s'il ne l'a pas reconnu comme tel. La justice a tranché, les parents des victimes ne sont pas bien satisfaits, mais le directeur de l'école tranquillise. On va redoubler d'efforts pour suivre de près l'éducation des enfants. Ce reportage est signé Léonce Vitalio, de retour de Gitega. À l'école La Bergeronnette de Gitega, un enseignant a été coupable d'avoir abusé sexuellement 17 fillettes de la 4e et 5e année primaire. C'était en janvier dernier. La justice lui a infligé une peine d'emprisonnement de 30 ans ainsi qu'une amende de 53 millions de francs burundais. Les parents des victimes ne sont pas bien satisfaits. Ils ont allégé la chose alors qu'il fallait en tenir compte puisque ce sont des enfants. C'est l'avenir du pays. Ce que demandent beaucoup plus ses parents, c'est que le gouvernement mette en place une loi qui protège encore mieux les droits des enfants. Et il faut bien s'impliquer. Pour moi, je peux demander à la justice et au gouvernement de s'y impliquer. Les parents de ces enfants affirment toutefois que ce ne sont pas tous les éducateurs qui commettent de tels actes de violence. Et de son côté, le directeur de l'école tranquillise.